Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal du 23 novembre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Sept personnes ont été grièvement blessées ce matin dans un accident de roulage sur le boulevard de l'Uprona à mairie de Bujumbura. Reportage dès le début de ce journal. Le projet de désaffectation du cimetière de Nyamaranda en zone urbaine de Kanyosha crée déjà de la polémique avant le début des travaux, notamment parmi ceux qui ont inhumé les leurs. On fera le point dans ce journal. Et les élèves de l'école technique Saint-Luc du quartier Neuf en Gagara sont en grève pour protester contre l'augmentation du Minerval. La direction les tranquillise. Et une centaine de motos ont été saisies par la police à Rumonge. L'on explique que l'opération rentre dans les stratégies de maintien de la sécurité et du respect du code de la route. Et en actualité internationale, en Colombie, l'accord de paix entre la rébellion et l'armée régulière sera signé ce jeudi. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Sept personnes ont été grièvement blessées ce matin dans un accident de roulage sur le boulevard de l'Uprona à mairie de Bujumbura. Ces blessés ont été directement admis à la polyclinique centrale de Bujumbura pour être soignés. Christella Nizigama nous donne quelques détails. Cet accident s'est produit sur la route boulevard de l'Uprona, tout près de la polyclinique centrale de Bujumbura. Une voiture de pick-up de la police s'est cogné avec une autre de type IAS. Le chauffeur de cette voiture, qui est en train d'être soigné à la polyclinique centrale de Bujumbura, explique les faits. Je venais de Gasegne. Arrivé au café gourmand, j'ai évacué les passagers, puis trois personnes sont restées dans le bus. J'ai continué ma route. Arrivé devant la polyclinique centrale, la route était déserte parce que c'était très tôt le matin. J'ai ralenti le bus pour traverser. Tout à coup, une voiture de pick-up de la pille qui roulait à grande vitesse a cogné la mienne. Devant moi, tout est devenu obscur, comme s'il s'agissait d'un brouillard. Le chauffeur du pick-up n'a pas freiné parce qu'il roulait à grande vitesse. Les sources trouvées à la polyclinique centrale de Bujumbura indiquent que 7 personnes en tout ont été blessées, dont 3 grièvement, et 6 parmi les 7 sont des policiers. Ces personnes sont en train d'être soignées dans cette polyclinique. Merci Christella. La direction de l'école technique Saint-Luc, située au quartier Neuf de la zone Ngagara, en commune Nahangwa, appelle ses élèves en grève pour protester contre l'augmentation du Minerval de regagner leurs classes respectives. Gérard Nzeimana leur promet qu'une décision finale consensuelle devrait être prise après une réunion avec le comité des parents. Suivez-le au micro d'Evrard Havziariman. Je vais essayer de donner une communiqué pour qu'ils reviennent à l'école et puis à la fin de cette semaine, ou bien dans le week-end prochain, ou bien dans l'autre semaine, on va parler ça avec les parents. Oui, à propos de cela, les élèves exigent un écrit pour qu'ils retournent dans leurs classes respectives. Qu'en dites-vous? L'écrit est déjà là, on va l'afficher. Mais le problème qu'il y a, c'est quoi? L'interprétation. On va afficher l'écrit, et puis on verra comment ils vont interpréter ça. Moi, je crois qu'ils reviendront. Je vous ai dit que les parents, je ne peux pas les réunir facilement parce que beaucoup viennent de l'intérieur et puis généralement ils sont au service. C'est que je vais essayer de réunir les représentants des élèves pour qu'ils me disent pourquoi. Et pourquoi vous vous basez tellement sur les élèves au lieu d'organiser une réunion avec le comité des parents? Non, le comité des parents, je vous ai dit que je vais réunir ça pendant le week-end pour ne pas les empêcher pour qu'il reste au boulot. Voilà, c'était le directeur de l'école technique Saint-Luc de Ngagara au quartier Neuf, Gérard Nzeimana, au micro d'Evrard Havziariman. Des échauffourées ont éclaté à la plage de Magara, en commune Bugarama de la province Rumonge, l'après-midi de ce mardi. Certains pêcheurs, appuyés par des habitants de la place, ont voulu incendier un bateau de pêche qui aurait sacrifié un pêcheur. Les forces de l'ordre sont intervenues avant qu'il ne soit tard, selon le commissaire provincial, le commissaire de police dans la province de Rumonge, d'où nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misago. Ces échauffourées ont éclaté après la disparition dans les eaux du lac Tanganyika côté Magara d'un certain Pascal Bazomora, un pêcheur à la plage de Magara selon des sources sur place. Deux pêcheurs qui étaient avec lui près de la plage de Magara ont réussi à nager jusqu'à la plage après le renversement de leur pirogue. Environ 500 personnes en colère, parmi lesquelles certains pêcheurs se sont ensuite rassemblés avec 40 litres d'essence pour incendier ce bateau sur lequel travaillait Bazomora. Selon eux, ce bateau avait sacrifié ce pêcheur afin d'augmenter ses prises. La police et les militaires opérant à Magara étaient déjà sur place pour préserver d'autres bateaux à moteur utilisant l'essence et la station des environs. Mais la police a dû tirer en l'air pour disperser cette foule dont la colère était montée d'un cran, selon Opestin Indonassien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge. De son côté, Joachim Manirakiza, administrateur communal de Bugarama, demande à sa population de rompre avec la justice populaire pour ne pas être puni à son tour. Il informe que 4 promoteurs de ces échauffourées ont été arrêtés puis libérés après l'arrivée sur place de la famille de la victime dont le corps n'avait pas encore été repêché ce mercredi matin. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. La correction des tests de candidats officiers et brigadiers à la police est terminée. Cette annonce est du porte-parole de la police, Pierre Nguriquier, qui appelle ses candidats à se rendre dès ce vendredi au chef-lieu des provinces pour prendre connaissance de leurs résultats. Il précise que la police a retenu 10 candidats par province dans la catégorie officier et 20 candidats par province pour la catégorie brigadier. On l'écoute. Le travail de correction de ces tests de présélection est maintenant terminé. Le ministère invite les candidats brigadiers et officiers à se rendre au niveau des chefs-lieux de la province pour pouvoir visionner leurs résultats et faire des réclamations éventuelles. Ceux qui auront été retenus sont invités à se rendre au niveau des structures de formation, donc de l'école des brigadiers de police pour les candidats brigadiers de police et à l'Institut supérieur de police pour les candidats officiers le 4 décembre 2016 à 16h pour passer les tests finaux le 5 décembre 2016. Et ils doivent se munir des stylos, de la tenue de sport et du matériel de couchage. Ce communiqué concerne également les candidats à la formation de promotion, donc ceux qui étaient déjà des policiers et qui ont postulé pour pouvoir avancer de catégorie, doivent également se rendre au niveau des chefs-lieux la même date, le 24 novembre 2016, pour voir s'ils ont été admis ou pas. Et ceux qui auront été admis sont invités à se rendre dans ces structures de formation à la même date, avec le même matériel, pour pouvoir passer ensemble les tests finaux, donc le 5 décembre 2016. Je dois aussi préciser que pour les candidats officiers de police, on a retenu 10 candidats par province, et ils ont été choisis en fonction de la note qu'ils ont obtenue lors des tests, mais aussi dans le strict respect des équilibres exigé, donc 60% de tout et 40% de tout. Vous savez que la Constitution exigeait 50% pour tout et 50% tout aussi. Mais la Constitution demande également au Sénat de pouvoir suivre s'il n'y a pas de déséquilibre. Et lorsqu'il y a, il trouve qu'il y a déséquilibre, on puisse passer à la correction de ces déséquilibres. Et c'est dans ce cadre que la police a reçu l'ordre de recruter 60% de tout et contre 40% de tout. Ça, c'est également la même chose pour les candidats brigadiers de police. Pour eux, on a retenu 20 candidats par province, choisis également en fonction des résultats dans les tests, mais aussi dans le strict respect de ces équilibres qu'on a exigés. Vous dites qu'il y a d'autres tests à passer pour ces candidats. Est-ce que le respect de ces équilibres n'a pas été fait avant le temps? Je dois préciser que les tests finaux, ce sont ces tests qui déterminent qui sera réellement retenu pour suivre la formation initiale de police. Et donc, après ces tests, il y en a qui seront retenus dans le respect des mêmes équilibres et d'autres qui ne vont pas être retenus. C'était le porte-parole de la police, Pierre Nguriquier, qui répondait aux questions de Joseph Nsabiyabandi. Il est 13h05 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains parmi ceux qui ont inhumé les leurs au cimetière de Nyabaranda, en zone urbaine de Kanyosha, se plaignent que le travail de désaffectation de ce cimetière n'est pas transparent. Ils évoquent un manque d'expérience de la société qui va déplacer les restes humains vers le cimetière de Manda. Et la société EcoCogem qui va effectuer ce travail dit être expérimentée en la matière. Et au niveau de la direction de l'urbanisme et de l'habitat, l'on indique que cette direction attend l'étude d'impact environnemental et social de la part de cette société. Mireille Kanyang vient de me rejoindre au studio. Mireille, vous avez été à Nyabaranda, vous avez constaté, faites-nous le point sur la situation. Oui, effectivement, Jean Bosco, ce mercredi, nous nous sommes rendus au cimetière de Nyabaranda. Il y a des champs cultivés, il y a des tombes qui sont toujours là. D'autres, les restes ont été exhumés, ça se voit à l'œil nu. Mais avant d'y aller, on a dû lire une ordonnance du ministre burundais de l'Intérieur du 22 juin 2016 qui porte des affectations de ce cimetière de Nyabaranda situé en zone urbaine de Kanyosha. Eh bien, des communiqués ont été lus demandant que ceux qui ont les leurs dans ce cimetière les amènent ailleurs. Ce travail n'a pas été fait dans la transparence. C'est ce que trouvent certains habitants de Kanyosha qui ont les leurs dans ce cimetière, comme l'indique l'un parmi ceux-là. Ce qui est étonnant, c'est que la mairie, l'administration, a donné, bien sûr qu'en collaboration avec le ministère technique, a donné le droit aux propriétaires des champs dans lesquels se trouve le cimetière de Nyabaranda, donc le droit d'enlever ces cimetières et de chercher soit un groupe X ou des entreprises privées pour enlever et ensuite viabiliser cette place où se trouvent ces cimetières. Alors que tout le monde le sait bien, lorsque ça s'appelle cimetière, ça relève directement du domaine de l'État. Eh bien, la société expérimentée dans l'exhumation devrait être prioritaire pour que ce travail se fasse en bonne et due forme, ajoute-t-il. Donc, c'est l'État qui doit prendre tout cela en charge, qui doit endosser la responsabilité. Pour cette raison, l'État doit trouver une entreprise qui en a l'expérience, qui est habilitée à le faire et lancer l'appel d'offres via le marché public, afin que ces entreprises viennent mener la compétition nécessaire pour que l'entreprise qui gagne le marché, qui est expérimentée en la matière, puisse gagner le marché et faire ce qu'il faut faire. Même son de cloche du côté du groupement ETRAF qui dit être expérimenté dans ce genre de travail. Même s'ils disent cela, la société EcoCogem, qui est une entreprise de construction en laquelle les propriétaires des terres dans ce cimetière de Nyabaranda ont placé leur confiance, indique qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres car le cimetière, dit-il, n'étant pas du domaine de l'État. Et de son côté, le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat dit n'attendre qu'un certificat de l'étude environnementale et sociale de la part de cette société EcoCogem. Suivez l'ambassadeur Amisi Nangibingur. Moi, j'ai grandi en sachant qu'un cimetière appartenait à l'État, mais il nous a été dit que ce cimetière de Nyabaranda appartient à la population, comme le site de Gissio et le site de Nyabugete ont eu gain de cause comme appartenant à la population, le cimetière aussi. Il m'a été dit que cela appartenait à la population. Alors, ce que j'ai demandé, c'est qu'on puisse quand même avoir une attestation d'appartenance qui vient de l'administration communale et de la mairie de Bujumbura. Et ces documents ont été délivrés par les autorités pour confirmer que effectivement la population n'a pas eu d'indemnisation et que cela leur revient. Ils nous ont dit que cela appartient à la population et que le cimetière a été désaffecté, que bon, ils ont droit d'en disposer, mais qu'il y a une chose que nous leur avons exigé, c'est d'avoir un certificat d'impact environnemental et social, parce qu'on change d'usage, passer de cimetière à des bâtisses, cela change bien l'environnement. Eh bien, je vous dirai, Jean Bosco, qu'une commission chargée de suivre de près ce travail de désaffectation vers le cimetière de Nyabaranda a été mise en place au niveau des bureaux de la mairie de Bujumbura. Merci Mireille Kanyangé pour tous ces détails. Il est 13h10 à Bujumbura. Une pause et c'est l'actualité des provinces et internationale. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé au marché de la commune Rutigama dans la province de Muramvya. Certains commerçants expliquent que cette hausse par l'insuffisance des produits de première nécessité là où ils s'approvisionnent. La population, quant à elle, fait savoir qu'actuellement, dans différents ménages, l'on ne mange qu'une fois par jour. L'administrateur de la commune Rutigama, lui, fait remarquer que cela a été toujours le cas, que le mois de novembre a toujours été caractérisé par la disette, mais garde de l'espoir pour les prochaines récoltes, étant donné que la pluie a commencé à tomber en quantité suffisante. Les détails avec notre correspondant Arthur Kavaouchi. Selon certains commerçants du marché de Rutigama, le prix des différentes denrées alimentaires a été revu à la hausse, du fait que quand ils vont s'approvisionner, ils n'en trouvent pas. Et si le commerçant grossiste qui transporte ses produits au marché, il augmente le prix. Ce n'est la farine de manioc est passée de 700 à 1000 francs, celle de maïs est de 900 à 1300. Quand le riz de mauvaise qualité est passé de 1300 à 1500 au moment où celui de bonne qualité est passé de 1500 à 1800 francs. Ces commerçants assument que malgré cette situation, ils parviennent à avoir les clients étant donné que ces derniers n'ont pas de choix, ils achètent peu. La population, quant à elle, indique qu'au lieu de la carence, ces produits devraient être vendus chers. Cependant, certains font savoir que même s'ils achètent, la ration n'est pas suffisante, même les enfants vont y laisser la vie étant donné qu'actuellement dans les ménages, ils ne mangent qu'une seule fois et ce soir, et pour ce qui est de la journée, ils ont déjà oublié. Cette partie de la population fait savoir que le semis a été fait, même si rien n'a poussé, car là où ils avaient planté les patates douces, elles ont pourri. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur donner ce qui peut les faire parvenir à la récolte du maïs. Dayamba Jevivine est l'administratrice de la commune Rutigama. Elle indique que le mois de novembre est un mois où la famine est généralisée et que les citoyens consomment sur la récolte durant l'été, mais ce qui reste est affecté à la saison A pour que ça puisse se compléter lors de la saison B. Cette administratrice reste confiante que la récolte sera bonne étant donné que la pluie a commencé à tomber en quantité suffisante. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganilo. Merci Arthur. Et 125 motos, dont celles des organisations non gouvernementales et celles des institutions étatiques, ont été saisies dans toute la province de Lomongué lors d'une rafle que la police y a effectuée depuis ce mardi. Au PC1 de Nassim Mandela Kiza, commissaire provincial de la police à Lomongué, dit qu'il s'agit d'une opération de maintien de la sécurité et du respect du code de la route. Il précise que les motos appartenant à des ONG et des institutions étatiques peuvent à tout moment être remises à leur propriétaire après paiement d'une amende à l'Office burundais des recettes. Mais les motos de transport rémunérées devront encore attendre la tenue d'une réunion avec les motards, selon ce responsable de la police. La commune Buganda de la province de Cibitoke totalise une semaine dans une obscurité suite à la coupure générale de l'électricité qui s'ajoute à celle de l'eau il y a plus d'un mois. Au moment où la population de cette commune demande d'être réalimentée en eau et en électricité, au niveau de la régie des eaux antennes de Cibitoke, on indique qu'ils sont à l'œuvre pour redresser la situation dans cette commune. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale aux États-Unis d'Amérique, le nouveau président Donald Trump promet de ne pas poursuivre l'affaire des emails d'Hillary Clinton. Et en Colombie, l'accord de paix avec les FARC qui a été ratifié sera signé ce jeudi. Et en Afrique du Sud, le chômage remonte alors que l'économie tourne au ralenti. Alain Désiré, au Kenya. En Afrique du Sud, depuis 13 ans, l'économie tourne au ralenti et les licenciements économiques sont toujours plus nombreux. Désormais, 5 900 000 Sud-Africains sont officiellement à la recherche d'un emploi. Selon le site de la BBC, les actifs découragés et sans emploi seraient plus de 2 millions en Afrique du Sud. Alors que l'économie souffre, cette hausse du chômage s'explique notamment par des licenciements dans les secteurs miniers, manufacturiers et des services. Plus de la moitié des jeunes de 14 à 24 ans employables n'ont pas de travail. 22 ans après la fin de l'apartheid, plus de 30% des Noirs actifs n'ont pas de travail contre à peine 7% de chômeurs parmi la population blanche. En Colombie, pour la deuxième fois en deux mois, le gouvernement colombien et les FARC vont signer la paix suivant l'accord de paix ratifié jeudi par le Congrès. L'accord prétend mettre fin à un conflit vieux d'un demi-siècle. Sa première version avait été refusée dans les urnes par une très courte majorité d'électeurs le 2 octobre dernier. La nouvelle mouture du texte, négociée elle aussi à La Havane, sera paraffée par le président Juan Manuel Santos et Rodrigo Londono alias Timochenko sur la scène du théâtre Colón dans le centre de Bogota ce jeudi 24 octobre. Le nouvel accord a été négocié pour intégrer les critiques formulées par les partisans du non, dont la figure de proue est l'ex-président Alvaro Uribe. Aux États-Unis d'Amérique, dans sa deuxième interview depuis son élection publiée mardi 22 novembre, Donald Trump a fait une série de déclarations qui ne feront sans doute pas plaisir à ses plus ardents supporters. Mais le président élu des États-Unis semble montrer un désir de rassurer la moitié des Américains qui n'a pas voté pour lui. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Albert Andouaille pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Ndouimana, un bon après-midi.